Chess. Body, soul, conscious, body, soul, conscious. L'affût. correctement. Devant l'évidence de la catastrophe, il y a ceux qui s'indignent, ceux qui prennent acte. Devant l'évidence de la catastrophe, ceux qui dénoncent, ceux qui s'indignent. We'll be right back. Thank you. par absorption. Mécanique, céleste, réaction. À l'extérieur, thank you.

même. Inside myself. We'll be right back. Thank you.